Je me réveille la tête en bois, je suis pas fier. Encore bourré d'hier. Encore bourré d'hier. Je me réveille la tête en bois, je suis pas fier. Encore bourré d'hier. J'ai besoin d'un matin pour me ranger. D'un lundi pour tout changer. D'un lundi pour tout changer. D'un lundi pour tout changer. D'un matin pour me ranger. D'un lundi pour tout changer. Pour un nom ça tire là les handicapés. Un frère qui allume son cerveau. C'est rare comme un type qui sait se taper. C'est rare comme un voyou sur Bouscapé. Quand tu devrais faire les comptes de ta vie, ça dépassera pas les poches de ta veste. Y'en a combien qui même qui se m'en bat les couilles gros. Au final même moi je me déteste. 10 millions j'arrête c'est bon ça m'ira. J'ai raison j'ai tort la juge me le dira. Des fois je me sens comme un père enfermé. Qui rêve de prendre son enfant dans ses bras. Comme un cas social qui sort du foyer. Comme une maman qui assume pas son loyer. Triste comme une famille nombreuse qu'on expulse. Que tout le monde regarde en train de se noyer. Et ton cœur le crime et toi t'entends pas. T'as négligé les remparts. Y'avait pas de poteau pendant le délibéré. Y'avait ta remède qui faisait les 100 pas. T'as claqué tes sous, t'as zappé tes frères. Et puis t'as perdu ta blonde. Tu t'es senti seul et vain, c'est de la lumière. Par le plus gros nuage du monde. Je me réveille la tête en bois, je suis pas fier. Encore bourré d'hier. Encore bourré d'hier. Je me réveille la tête en bois, je suis pas fier. Encore bourré d'hier, j'ai besoin d'un matin pour me ranger. D'un lundi pour tout changer. D'un lundi pour tout changer. D'un lundi pour tout changer. D'un matin pour me ranger. D'un lundi pour tout changer. J'ai besoin de toi pour me sortir de la soutée. Estimé comme un billet froissé. Besoin de toi pour me sortir de là. Je me suis coincé. Mon lundi n'est pas fini. J'ai plus rien à mettre. Je t'aime sans strass et paillettes. Rentre dans ma vie et prends tout ce que tu veux. Comme si c'était les galeries Lafayette. Je veux plus d'ennemis, je veux plus polémiquer. Tu joues ton aspect piqué. Tu remises encore mais tu vas pas te faire poteau. Tu vas te faire niquer. J'ai cassé mes chicots sur des stremons. À deux bagarres du coma. Cassé la démarche d'un stade chez gros tremont. Mais dans mon cœur c'était l'Arizona. Frôlage de cercueil, frôlage de zombie. Papa, ton fils a compris. Sois fier de moi, j'ai volé personne. Je récupère juste tout ce qu'ils nous ont pris. J'suis venu s'amasser, mais pour les enchères. Un monde qui tourne à l'envers. Enferme-toi fort dans ta petite vie de l'air. Sur le palier d'en face, c'est l'enfer. 3, 6, 4 jours qui poussent un cri. Ici, tout le monde a un prix. Dimanche, tout le monde batterie. Il suffira d'un lundi. Je me réveille la tête en bois, j'suis pas fier. Encore bourré d'hier. Encore bourré d'hier, je me réveille la tête en bois, je suis pas fier. Encore bourré d'hier, j'ai besoin d'un matin pour me ranger. D'un lundi pour tout changer. D'un lundi pour tout changer. D'un lundi pour tout changer. D'un matin pour me ranger. D'un lundi pour tout changer.